Votre cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Le 28 novembre 1888, à la une du Figaro, nous pouvons lire un article intitulé « La grève des électeurs ». Il est signé d'Octave Mirbeau. Écrivain, journaliste, c'est un article saignant. Nous pouvons y lire « Les moutons vont à l'abattoir, ils ne disent rien et ils n'espèrent rien ». Mais du moins, ils ne votent pas pour le boucher qui les tuera et pour le bourgeois qui les mangera. Plus bête que les bêtes, plus moutonnier que les moutons, l'électeur nomme son boucher et choisit son bourgeois. Oui, Octave Mirbeau est un auteur saignant. Ah, la figure du boucher, puisqu'il manie le couteau, puisqu'il côtoie le sang, il est frais. Le 14 juillet 1789, après la prise de la Bastille, c'est bien à un boucher que l'on demande de couper la tête du gouverneur Delaunay. Et oui, le boucher sait comment faire. Et pourtant le boucher est plus proche du poète. L'un et l'autre s'intéressent à la mourette, l'un et l'autre utilisent des feuilles. Oui, s'ils n'ont pas de pain, qu'ils mangent de la bidoche. Cette semaine, dans le cours de l'histoire sur France Culture, il faut nourrir le peuple. Il est une nécessité pour le pouvoir, quel qu'il soit, que la population mange à sa faim. Nous sommes partis vraiment chercher la première graine plantée, la première bestiole domestiquée, le néolithique, et des conséquences qui nous font encore aujourd'hui réfléchir sur notre monde. Nous avons partagé avec le pain, avec Stéphane Kaplan. C'est une émission à retrouver, Stéphane Kaplan, dans Les Bonnes Choses de Caroline Brouet, c'est dimanche à 12h. Et puis, hier, nous avons évoqué les revendications paysannes au XXe siècle avec la figure de Tanguy Prigent, paysan ministre, ministre paysan des émissions que vous pouvez réécouter sur France Culture, le site internet franceculture.fr, ou bien en balado-diffusion, le podcast et les commentaires sur le groupe Facebook, le cours de l'histoire. Aujourd'hui, l'histoire de notre rapport à la viande à travers la figure du boucher. Et pour nous en parler, Bruno Loriot, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire du Moyen-Âge et d'histoire de l'alimentation à l'Université de Tours. Vous présidez l'Institut européen d'histoire et des cultures de l'alimentation. Ou, monsieur le Président, mais qu'est-ce que cet institut ? Alors, c'est en fait un réseau de chercheurs européens qui travaillent sur toutes les questions qui tournent autour de l'alimentation, vu du point de vue culturel pour l'essentiel. Donc, l'histoire, évidemment, en fait partie. L'histoire est un élément important de notre rapport culturel à l'alimentation. Puis il y a aussi des formations de master, il y a des doctorants, il y a une très belle bibliothèque où j'invite chacun à venir puiser. Voilà, faut aller faire un tour à Tours. Vous êtes l'auteur de « Pour une histoire de la viande », vous l'avez co-dirigé avec Marie-Pierre Aurard. Cet ouvrage, effectivement, « Une histoire de la viande », fait le point historiographique sur un sujet qui est essentiel, celui de la viande. Et nous allons en parler aujourd'hui à travers la figure du boucher à travers l'histoire, personnage essentiel. Il nous fallait bien un boucher d'aujourd'hui. Bonjour Hugo Desnoyers. Bonjour. Vous êtes artisan boucher ? Ça oui. Va. Bah oui, artisan boucher, donc sans cesse en réflexion sur l'héritage aussi que vous portez, parce que quand on est boucher, on est héritier d'une très très longue tradition. Oui, une tradition de ce merveilleux travail, oui, effectivement. Le louchébème, là, cette langue des bouchers, ça existe toujours ? Toujours chez moi, oui. Ouais. Vous la parlez ? Oui, on forme les gars qui rentrent chez nous, les jeunes et tout ça, oui, bien sûr, c'est important. D'accord. Ça fait partie de la tradition, je trouve. Oui, et puis c'est important parce que c'est un métier qui intéresse, qui fascine, et notamment dans l'actualité. Sans cesse, il y a des réflexions aujourd'hui autour de l'alimentation. Ça aussi, nous allons y revenir. Vous avez écrit un ouvrage, hein, Un boucher tendre et saignant, avec François Simon. C'était le premier, oui. C'était le premier, voilà, c'était en 2011. D'ailleurs, il va y avoir un écho hein, sur cet ouvrage-là. Ouais, Christopher Thompson a pris justement le sujet du jour, la boucherie, pour en faire un magnifique film. Avec Arnaud Ducret, Géraldine Payas, Stéphane De Groot. Voilà, et puis on peut dire hein, aussi que vous fournissez les tables les plus prestigieuses et institutionnelles. C'est ainsi que l'on vous présente. Les bonnes bouches. Voilà, vous avez les bonnes bouches. Non, mais comment vous vivez cela pour une histoire de la viande, donc que vous avez dirigé, co-dirigé, Bruno Loriot, il y a l'évocation de la bidoche mania qui starifie les bouchers à l'égal des cuisiniers. C'est écrit dans l'introduction. J'ai pensé à Hugo, hein, surtout. Hein. Bah, moi, personnellement, de mon côté, c'est vrai que ça a été un virage aussi de ma vie de travailleur. Enfin, voilà, c'est aussi la communication qui aide à être serein et pérenniser les affaires, quoi, voilà. Voilà. Puis surtout une réflexion sur votre métier. Vous allez nous en parler. Mais pour commencer cette émission, je vous propose de faire un petit tour en 1962 pour écouter la complainte du boucher. La complainte du boucher d'un, bah oui, quelqu'un qui connaît bien la viande. C'est un Normand. C'est Bourville. J'aurais tant voulu être fonctionnaire, j'ai pas pu choisir, je suis né boucher. Comme l'étaient déjà mon père et ma mère, les grands couteaux c'est mon métier. J'ai du pot au feu, une langue fine, un peu de poitrine, un filet mignon. J'ai ma femme aussi, mais elle me chagrine avec ses clins d'œil aux garçons. Bourville qui chante la complainte du boucher. Et Bourville, dans sa complainte du boucher, nous dit « Je n'ai pas pu choisir. Mes parents étaient bouchers, je suis devenu boucher. » Bruno Loriot, il y a des dynasties de bouchers à un moment, donc depuis des siècles d'ailleurs, que les formations n'existent pas, elles se font à la maison, on reprend le métier de ses parents. Il y a des dynasties de bouchers. Oui, alors il y en a au moins pour le Moyen-Âge qui ont duré jusqu'à l'époque moderne, en effet. Après, on n'est pas sûr qu'il y a eu une continuité jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a encore des bouchers qui s'appellent Saint-Yon, par exemple. C'était le nom d'une dynastie de bouchers parisiens. C'est particulièrement perceptible dans ce qu'on appelle la grande boucherie parisienne. La grande boucherie parisienne, c'est tout un ensemble qui se met en place à la fin du Moyen-Âge, à un moment où on mange beaucoup de viande, beaucoup plus qu'on en mangera après, et beaucoup plus qu'on en a mangé avant, et où les bouchers jouent un rôle tout à fait capital dans l'approvisionnement de la ville. Et les bouchers parisiens ont réussi à mettre en place des critères extrêmement rigoureux dans leur métier, qui en font en quelque sorte un métier de référence. Et du coup, ils ont un pouvoir tout à fait considérable aussi dans la ville, et on verra un certain moment particulièrement compliqué de l'histoire de Paris au XVe siècle, par exemple l'émeute cabochienne, on verra que les bouchers jouent un grand rôle, les bouchers et leurs employés, hein, donc tous ceux qui procèdent. Ils avaient financé un petit peu en sous-main, en sous-table, des rébellions, on va dire. Bah, ils étaient en plein dedans, hein, ils étaient un élément tout à fait, et ils faisaient peur. Énormément. Ben, ils font peur parce qu'ils manient les couteaux, et oui, puis parce qu'ils découpent la viande. Et puis, la corporation des bouchers tire son prestige aussi d'une haute technicité, c'est-à-dire qu'il y a des gestes précis. Hugo Desnoyers, ces gestes ne changent pas tant que ça aujourd'hui. Non, absolument pas. Moi, les outils sont les mêmes. Hein. Les outils ont, oui, un peu évolué, mais quasiment les mêmes, bien sûr. Et comme je le dis souvent, on n'est pas des cuisiniers ou des pâtissiers à créer une recette. Voilà, c'est plutôt vraiment bien faire le bel ouvrage, comme je pourrais me permettre de dire. C'est vraiment de faire un geste parfait, une coupe glacée, un beau ficelage. Voilà, des choses. Ça fait des siècles et des siècles que c'est comme ça. Voilà, c'est-à-dire que la viande n'a pas changé en soi. Enfin, quand elle est de qualité, oui. Quand elle est de qualité, je précise. Et après, le geste pour la transformer reste le même. Bruno Loriot. Oui, il me semble qu'il y a des petits... Alors, je lance ce débat, il y a des petits changements, parce que ce qu'on appelle la découpe parisienne, par exemple, oui, qui est quand même un peu... La plus reconnue au monde. Voilà. C'est, si on regarde bien, les premières attestations, c'est 17e. Hein, c'est pas avant. Hein. Donc, il y a un moment où, effectivement, alors peut-être que c'est une question de documentation. Je sais pas. Mais on a l'impression que, par exemple, la découpe médiévale, elle est moins moins raffinée, elle est plus en morceaux non hiérarchisés, on va dire. Qu'est-ce que la découpe parisienne? Ben en fait, moi j'ai pas l'historique sur Loriot, mais les bouchers français, de mémoire, c'est la viande, l'élevage et la boucherie est arrivée de Rome, si j'ai une bonne mémoire. Et les bouchers français, petit à petit, ont grandi dans le fait qu'ils ont tout dépecé la bête de la tête aux pieds, et vraiment en séparant tous les muscles, et ils ont fait cuire, griller, bouillir, et si bien que ça a classifié vraiment les choses d'une façon parfaite, et c'est devenu, au fil des temps, une référence mondiale. Absolument. Voilà, c'est ce classement que l'on connaît quand nous allons chez le boucher, de voir le filet, le rump steak. Il a fallu créer intellectuellement vocabulaire pour donner des mots aux viandes. C'est ça, et donc pour les textes anciens, on n'a pas forcément les références, ça nous manque. On manque de documents. Pour la boucherie parisienne, je reviens à la boucherie parisienne du Moyen-Âge, on a tout de même un document assez intéressant, c'est un registre judiciaire, c'est-à-dire que c'était les bouchers qui géraient eux-mêmes leur métier. Et par exemple, quand il y avait quelqu'un qui faisait de la fraude, qui vendait une viande pour une autre, c'était eux-mêmes qui jugeaient. Et on a un registre, il n'y en a pas deux, hein, il y en a un qui a été conservé et qui nous permet de voir comment ça fonctionnait, les exigences sanitaires, d'abord. Qui ont bien évolué. Et économiques, ensuite, qui étaient exigé et contrôlé. Justement, c'est quelque chose qui est important de souligner, hein, Bruno Loriot, c'est que l'attention portée à la qualité de la viande n'est pas quelque chose de contemporain. Ah non, bien sûr. Au Moyen-Âge, déjà, on faisait très attention. Tenez, on va faire un petit détour par un film de Claude Chabrol en 1969, que la bête meurt, et là, il est question, évidemment, de viande. Eh bien, ce ragoût est tout simplement dégueulasse. La sauce, c'est de la flotte. Pourquoi tu l'as pas fait réduire? Je vais bouillir 4 heures. Ah ben, 5 heures, 6 heures, je m'en fous. J'ai déjà dit 20 fois, quand la viande est cuite, tu la tiens au chaud. Et la sauce, tu la fais réduire à part, dans une casserole. À part, dans une casserole. Je l'ai dit ou je l'ai pas dit? Oui. Vous êtes une fine gueule, vous? Ah oui, à mes heures, oui, bien sûr. Eh ben, vous me comprenez, alors? Mais c'est vrai, on m'accuse toujours de râler, mais on fait tout pour ça. Et j'aime pas qu'on gâche la marchandise, moi. Vous savez pour combien j'en ai de viande ici, par mois, rien que de boucher? 100 000 balles. Et la cuisine, hein, c'est le seul art qui ne demande pas. On peut se gourer sur la peinture, sur la musique, mais sur la bouffe, pas d'histoire, c'est bon ou c'est mauvais. Jugement très net de Bernard Blier dans Que la bête meurt, le film de Claude Chabrol en 1969. L'attention portée à la viande, aujourd'hui pour un boucher comme vous, Hugo Desnoyers, c'est d'aller voir le producteur, l'éleveur. Hein, c'est ça que vous pouvez faire pour regarder d'où vient la viande. Vous pouvez même choisir en fait vos bêtes sur pied. Moi, ça fait longtemps que je le fais, oui, ça fait 21-22 ans maintenant que j'ai commencé à chercher des races d'origine sur leur terroir d'origine, quoi. Donc des Limousines de Charente, de Charente-Limousine, des Aubrac de l'Aveyron, des choses. Moi, j'aime bien le terroir pur. Et puis après, c'est vrai que on échange avec le paysan pour voir ce qu'on fait dans les prés, pour voir quelles eaux elles boivent, pour les recettes de finition, parce que j'ai été élevé comme ça. On fait des recettes de finition pour nos animaux. Maintenant, c'est vrai que c'est super important. C'est quoi une recette de finition pour les animaux? Une bête, elle est élevée à l'herbe et l'hiver, quand il fait trop froid, on la met au foin tranquille. Et puis, quand on a décidé de la finir pour justement aller chez quelqu'un comme moi, je mets une recette à base de maïs aplati, de luzerne, de soja, de... Voilà, c'est une petite recette qui est assez commune, en tout cas dans les bons élevages français. Et ça affine la bête au niveau du gras, au niveau du goût, au niveau de plein de choses, quoi. Et cette réflexion-là autour de la manière d'affiner la bête avant même qu'elle arrive à l'abattoir, avant même évidemment qu'elle arrive chez le boucher, c'est une réflexion qui est ancienne, mais il faut quand même préciser quelque chose sur la définition même du métier de boucher, Bruno Loriot. Pendant le temps, le boucher avait une... la mainmise, on va dire, sur l'ensemble, depuis la bête qui est dans son champ jusqu'à ce qu'elle soit sur son étal. Tout à fait. Et dans la pratique du métier que fait Hugo, on retrouve au fond cette ancienne manière de faire, ouais, qui était une sorte d'intégration complète, ouais, qui allait donc... Excusez-moi, ça allait même beaucoup plus loin, parce que moi je viens d'un village, fin fond de la Mayenne, et le vrai gros notable à l'époque, c'était le boucher, c'était pas le médecin ou le notaire, c'était vraiment le boucher. Il avait les prés, les terrains, il avait les maisons, il avait les bêtes, il nourrissait les gens. L'or rouge, ça portait bien son nom, c'était quelqu'un de très riche, et donc bien sûr de très puissant. Et il tuait les bêtes. Alors voilà, c'est ça, oui. Et donc, en amont, c'est ce que tu as dit, en effet, voilà, c'est l'élevage, l'embouche, oui, l'engraissement, enfin bon, etc. Et puis, en aval, il y a effectivement le fait de sacrifier lui-même l'animal. Donc, bon, on ne va pas refaire hein, l'étymologie, mageiros, le grec, c'est à la fois le sacrificateur, le boucher, etc. Il y a un lien. Toutes les cultures, tous les gens en croyance, quelle que soit la, les musulmans, les... Les chrétiens, au départ, c'était aussi de la... Tuer un animal, c'est quelque chose, c'est pas rien. Pour le partage, pour... Ça va loin. C'est grave. Et donc, du coup, voilà, c'était un pouvoir important. Mais effectivement, il y a une sorte de traçabilité complète. Il faut voir que dans une ville comme Paris, les animaux arrivaient à pied. Et puis ils étaient abattus dans les cours des bouchers. Donc évidemment, ça pouvait poser un certain nombre de problèmes de nuisance, on va dire. Donc, voilà. Bon, qui n'étaient pas perçus du tout de la même manière qu'aujourd'hui. Parce que c'était logique, enfin normal. Mais il y avait une traçabilité complète. Ouais. Voilà, c'est ça. Alors ça, c'est un élément extrêmement important. Quand est-ce qu'il s'est mis en place, sans doute assez anciennement, le point crucial, à mon avis, c'est le néolithique. C'est-à-dire ce moment où toute viande, enfin, ou en tout cas la très grande majorité de la viande, est liée à l'élevage, est liée à un animal domestique. Donc, pose une question, c'est pas comme aller tuer un gibier à l'extérieur, c'est tuer un animal proche. Mais l'animal proche, à cette époque-là aussi, assez lointaine, et ça durait très longtemps, c'est que ce n'était pas fait que pour nourrir, ça aidait au niveau des travaux agricoles, et ça chauffait la maison. Complètement. Les animaux étaient en dessous de la maison pour chauffer l'habitat. Et alors cette rupture du fait que le boucher ne tue plus l'animal qu'il va vendre, c'est du 19e siècle. Mais c'est une vraie rupture, hein, la création des abattoirs, Premier Empire. Loin. Les abattoirs, loin de la ville. J'ai coutume de dire que... Comme si on cachait la mort. Voilà, c'est ça, exactement. Mais c'est mystique, enfin... Ouais, c'est intéressant. C'est le même phénomène qu'on a pour les cimetières. Ouais. Ah, oui. C'est le moment aussi, à partir du 18e, où on éloigne les cimetières, on éloigne la mort, on éloigne la mise à mort, on est dans l'euphémisation, on va dire. D'ailleurs, le terme, on pourrait élargir un peu, le terme « viande » lui-même, c'est un terme qui n'avait pas du tout le même sens au départ. Par exemple, au Moyen-Âge, viande, ça veut dire ce qui sert à vivre. Autrement dit, les nourritures, en général. Pour dire la viande animale, on utilise le terme de chair. Ah oui. Qui a des connotations un petit peu différentes, hein, dont on voit tout de suite lesquelles, hein, du côté de la chair, de la luxure. Voilà. Mais alors, quand le boucher est dépossédé de la possibilité de tuer son animal, ça crée cette scission, en fait, où beaucoup de bouchers ne vont plus voir où l'animal est produit. Ils vont acheter un animal déjà tué. Non mais parce que alors je sais pas, on peut utiliser des euphémismes, mais vous n'êtes pas nombreux à aller voir chez les paysans un peu comment je le dis souvent, je trouve notamment une ville comme Paris, c'est même pas nombreux, je trouve ça même pas normal qu'il y ait même pas un mec comme moi qui puisse citer 20 très bons bouchers à Paris. Donc là, c'est bon, je suis cramé pour la journée. Oui, mais non, parce que vous donnez la bonne parole, on va dire, Hugo Desnoyers. Ouais. Non, mais c'est comment il faudrait faire ou comment cela se faisait auparavant. Et c'est vrai, hein, Bruno Loriot, il y a vraiment une spécialisation à partir du moment où les abattoirs sont devenus un élément majeur, un passage obligé qui ne dépend plus du boucher. Le boucher se voit dépossédé de plein de gestes qu'il faisait, notamment de tuer l'animal. Oui, alors le boucher, et j'ajouterais le consommateur, dans ce qu'on pourrait appeler le Codex Alimentarius d'Ancien Régime, le consommateur, c'est quelqu'un qui connaît un peu, hein, qui est capable de voir, grâce à ses sens, la vue, l'odeur, le toucher. À cette époque-là, c'est vrai. Il y avait même une vente avec goût, avec les gens, surtout les mères de famille connaissaient beaucoup mieux la viande. Bah oui. Il y a eu un sacré creux après 70-80. C'est ça, exactement. Et surtout, le rapport à la définition même de viande n'est pas le même. Vous l'avez évoqué, Bruno Loriot, le mot viande recouvrait énormément de choses, c'est-à-dire toutes les nourritures. Mais malgré tout, et nous allons faire un petit détour en 1957 dans les actualités françaises. Et vous allez voir, ça va vous amuser, parce qu'en 1957, dans les actualités françaises, quand il est question du poulet, ce n'est pas de la viande. On vient de jeter un cri d'alarme. La viande est en passe de manquer. Le cheptel français ne peut suffire à assurer une consommation croissante. Faudra-t-il revenir au ticket, revoir la carte de viande, ou avoir recours à des importations coûteuses alors que nous manquons au moment même des devises nécessaires? En vue de réduire cette consommation, un mot d'ordre vient d'être lancé. Mangez moins de viande, remplacez-la sur votre table par du poulet et par des œufs. Or, dans ces domaines, notre production est encore insuffisante. Il a fallu l'an dernier importer 6 milliards d'œufs. Cela tient sans doute à ce que la production est restée en France assez anarchique. Un cheptel disparate, des règles d'hygiène animale encore mal observées dans les élevages, l'utilisation de races peu productives, place la production française derrière la Hollande et le Danemark, par exemple. Et maintenant, mangeons du poulet. Diantre, et maintenant, mangeons du poulet dans les actualités françaises. Le 21 août 1957, Bruno Loriou, l'idée que le poulet ne soit pas de la viande évoquée dans la deuxième moitié du XXe siècle, ce n'est pas rien parce que c'est un écho médiéval à des réflexions déjà qui existaient auparavant. Oui, je suis très amusé par ça. En effet, pour le Moyen-Âge, les volatiles sont un peu différents de la viande des quadrupèdes. En fait, c'est ça la grande différence. C'est pas tellement viande rouge, viande blanche comme aujourd'hui on dit. C'est l'idée au Moyen-Âge qu'il y a des quadrupèdes et il y a des volatiles. Et les volatiles, ils ont été créés, nous disent les théologiens, le cinquième jour de la création, alors que les quadrupèdes ont été créés avant. Et ils ont été créés en même temps que les poissons. Donc il y a beaucoup de gens qui disent, ah bah, puisque ça a été créé en même temps que les poissons, on peut le manger du coup durant le carême. Et on va avoir des moines, par exemple, qui vont défendre cette position pendant assez longtemps. Sans succès, il faut dire. Ils vont être obligés de reculer. Mais c'est intéressant de voir que, effectivement, dans les années 50, finalement, on était un peu en retard. Enfin, la France était un peu en retard, si on peut dire, oui. Quant à la production de viande de volatile. Et puis surtout, il y a cette réflexion que l'on retrouve aujourd'hui, et les gens végétariens l'ont toujours connu. Manger moins de viande, c'est hallucinant. Bah oui, mais tu n'aimes pas la viande, on a fait du poulet, donc oui, c'est pas un problème. Et c'est vrai que Hugo Desnoyers, tuer une volaille ne nécessite pas de passer par un abattoir, aujourd'hui encore, on peut la tuer soi-même, enfin, il n'y a pas de souci. Alors que pour un bovin, c'est complètement différent. Et c'est vrai que cette question de l'abattoir est vraiment au centre de cette réflexion, et aujourd'hui encore. C'est pour dire des règles d'hygiène importantes, c'est vrai, et puis tout le monde n'y a pas besoin d'expliquer ça, c'est logique. Maintenant, il y a quelques collègues et moi, on a quand même mis les pieds, on a remis les pieds dans l'abattoir, en quelque sorte, dans le sens où on a apporté des choses, la musique classique au Bouvry, les portes en fer où on mettait des gros morceaux de mousse pour éviter les bruits un peu trop. Enfin, il y a des choses qui sont importantes, des douches tièdes. Enfin, on va me prendre pour un drôle d'animal, mais de notre côté, ça va jusqu'au bout dans le domaine du bien-être animal. Le transport de l'animal pour l'abattoir, tout ça. Enfin, moi, des mecs comme moi, on a remis les pieds là-dedans. On fait attention de la naissance à la finalité, au sacrifice, on va dire. Comme ça, je parle bien. Oui, mais c'est vrai que c'est une question à la fois historique et presque anthropologique, avec un paradoxe sans nom, c'est que ça se termine par la mort de l'animal, et les gens sont contents de retrouver après dans leur assiette cet animal. Mais Il y a toujours ce choc, où il y a des débats assez houleux encore aujourd'hui, et c'est pas fini à mon avis. Mais in fine, moi je m'inquiète pas trop pour mon métier, tant qu'on aura de la bonne viande, et puis les gens, on a une culture quand même de gens qui aiment la viande, donc la finalité reste la même. Hier soir, je me suis une côte de veau, elle était juste exceptionnelle. Donc oui, c'est le plaisir, c'est le goût et c'est le partage également. Et le veau dans le champ est extrêmement mignon. Et quand il est dans l'assiette, les gens sont contents. Mais c'est l'entre-deux en fait qui pose problème. Mmh. Et Bruno Loriou, c'est cet entre-deux où il y a du sang qui a construit la figure du boucher, qui lui a donné comme ça dans la société une place assez particulière. Oui, complètement, évidemment. Cette maîtrise du sang, du rapport au sang, du rapport à la mort. Oui. C'est un élément tout à fait essentiel. Je voudrais reprendre un peu parce qu'il m'est venu comme ça en vous écoutant, m'est revenu des éléments. Aujourd'hui, la tendance de fond, c'est la montée de la consommation de la viande de volaille, du poulet. C'est ça qui explose, on va dire, par rapport à une diminution de la consommation de viande bovine, on va dire. Le porc reste absolument stable. À mon avis, c'est à mettre aussi en relation avec le fait que le poulet donne lieu à toute une série d'aliments dérivés où, finalement, on perd un peu la distance vis-à-vis de l'animal. Et ça, on retrouve là une grande idée des anthropologues, c'est l'idée que on peut être zoophage ou sarcophage, c'est-à-dire aimer retrouver l'animal dans la viande, ou alors, au contraire, s'en éloigner au maximum. Et j'ai l'impression qu'on est dans une tendance de fond depuis des décennies qui vise à s'éloigner de l'animal et à privilégier tout ce qui est sarcophage. Donc quand les gens mangent au fond des nuggets, c'est exactement ouais, ça. Bah, j'ai bien compris. Ouais. Ouais, c'est exactement ça. Vous le constatez, moins avec le dénoyé, parce que les gens qui viennent chez vous savent ce qu'ils veulent. Ouais, moi j'ai une chance inouïe, c'est enfin une chance de par son notre travail également, mais c'est il y a 21 ans, moi je démarre tout seul dans ma boutique. Aujourd'hui il y a 26 employés, donc les gens ils viennent pas pour ma binette, quoi. Ils viennent vraiment pour les produits et le service qu'on leur apporte. Bruno Lorioux, c'est vrai que cette évolution de la consommation de viande va de pair avec l'évolution de la connaissance des choses alimentaires. Mmh. Tout à l'heure, Hugo Desnoyers, vous l'évoquiez, c'est vrai que donnons, vous savez, un dessin, un plan de vache, et essayons de remettre les morceaux dessus. Ouais. C'est difficile, hein? Aujourd'hui encore, oui. Ah oui, encore avant les années 50, je suis sûr que les femmes y arrivaient, enfin les femmes de à la maison. Ouais, le savoir féminin essentiel, le savoir domestique qui permettait de passer ses connaissances. Vous savez, aujourd'hui, dans le cours de l'histoire, nous nous intéressons à la viande, nous nous intéressons à la figure du boucher. Il n'était pas possible de passer à côté. Nous retrouvons tout de suite Boris Vian, mais oui, évidemment, et ses joyeux bouchers. C'est le tango des bouchers de la Villette, c'est le tango des tueurs des abattoirs. Venez cueillir la fraise et l'amourette et boire du sang avant qu'il soit tout noir. Faut que ça saigne, faut que les gens aient à bouffer, faut que les gros puissent goinfrer, faut que les petits puissent engraisser. Faut que ça saigne, faut que les mandataires roales puissent s'enfourrer plein la dalle du filet à 800 balles. Faut que ça saigne, faut que les peaux se fassent tanner, que les pieds se fassent paner, que les têtes aillent mariner. Faut que ça saigne, faut avaler de la barbac pour être bien gras quand on claque et nourrir des vers comac. Faut que ça saigne bien fort, c'est le tango des joyeux militaires, des gais vainqueurs de partout et d'ailleurs. C'est le tango des femmes va en guerre, c'est le tango de tous les fossoyeurs. Faut que ça saigne, appuie sur la baïonnette, faut que ça rentre ou bien que ça pète, sinon t'auras une grosse tête. Faut que ça saigne, démolis-en quelques-uns, tant pis si c'est des cousins, fais-leur sortir le raisin. Faut que ça saigne, si c'est pas toi qui les crèves, les copains prendront la relève, et tu joueras la vie brève. Faut que ça saigne, demain ça sera ton tour, demain ça sera ton jour, plus de bonhomme et plus d'amour. Tiens, voilà du boudin, voilà du boudin, voilà du boudin. Boris Vian, les joyeux bouchers. Oui, il faut que ça saigne dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Père et Legras, avec aujourd'hui à la technique Thibaut Nassimben. Nous écoutons Boris Vian, et c'est un document historique, hein, les années 50. Il y a deux choses, l'aspect antimilitariste de Boris Vian, qui est très très clair, et une évocation du boucher qui évoque le bourgeois, le boucher est là pour nourrir le bourgeois. Il faut du gras. Dans les années 50, nous sommes encore dans cette lecture-là. Le riche est gros. Et ça, c'était important. Le riche est gros, oui, c'était vraiment ça. Mais justement, socialement, ça s'est déplacé dans un pays comme en Asie, notamment en Chine. C'est aujourd'hui, c'est pour ça que c'est inquiétant au niveau de la production de la viande pour demain. C'est que le chinois, plus les gros, plus socialement, c'est important. C'est vrai. Et il faut de la viande à table. C'est un truc de fou. Ce que nous, on a connu, on n'est pas nombreux en France, mais ce qu'on a connu dans les années 50, 60 jusqu'à 90, là-bas, ça se déplace avec 1 milliard, 400 millions de personnes. C'est inquiétant pour la suite. Oui, parce que là, pour produire, ce n'est pas une production peut-être aussi réfléchie, il faut produire en masse. Et c'est vrai que nous avons perdu en France, et ça a transformé l'image que l'on avait du boucher, l'idée que la richesse se voyait par une certaine opulence de corps. C'est ça. Et par la consommation de la viande aussi, qui était valorisée depuis très longtemps comme étant un peu l'aliment de référence. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est une presque une constante, par exemple, de la diététique, jusqu'au milieu des années 50. Jusqu'à cette date-là, les médecins disent qu'il faut manger de la viande. Oui, parce qu'aujourd'hui, on a tendance à oublier ça. On se dit, ah bah oui, mais non. En fait, il n'y a pas si longtemps, il y a des médecins qui disaient, faut pas manger de légumes, faut manger de la viande. Mais après, à tous les repas. Quelqu'un comme moi, enfant, j'ai été élevé dans une société. On n'était pas non plus très riche, mais c'était la viande, c'était très régulier dans la semaine, quoi. C'est impressionnant. Et même il y a eu les doubles repas de viande par jour. On mangeait de la viande le midi et le soir, quand on pouvait. Et ça, ça tend. Alors d'après les enquêtes de consommation les plus récentes, ça tend ça fortement à s'atténuer. C'est-à-dire il y a toujours une majorité de gens qui mangent de la viande tous les jours, mais pas forcément à deux repas. Hein. Donc ça, c'est on pourrait dire qu'ils deviennent très modestement flexitarien, c'est le nouveau mot qu'on emploie. Et puis, il y a une proportion qui monte progressivement de gens qui n'en mangent plus que quelques fois par semaine, et certains même quelques fois par mois. Et voilà. Vous, Hugo Desnoyers, vous le voyez, vous avez vu cette évolution, c'est-à-dire que la richesse ne s'expose pas par « je mange beaucoup de viande tous les jours » et je grossis, donc je suis un gros bourgeois. Non, au contraire, je fais attention à ce que je choisis. Je mange peu de viande, mais elle doit être de qualité. Ouais, c'est un petit peu ce qui change pas mal, ouais. Après, dans les années 80-90, bah justement, il y a aussi beaucoup de nutritionnistes ou des médecins qui ont commencé à lancer justement des programmes diététiques, des bouquins, du marketing un peu pointu. Mais c'était une prise de conscience intéressante et importante également. Et puis la preuve en est, encore 10 ans après ou 20 ans après, on réfléchit un peu mieux à ce sujet-là. Oui, beaucoup de viande pour manger de la viande, ça sert à, c'est une hérésie complète de toute façon. Tout à fait. Il y a eu le moment où on a stigmatisé, par exemple, le cholestérol et on a donc institué la viande comme étant un des éléments les plus producteurs de cholestérol. C'est ce moment de lipophobie, on va dire, hein, de haine du gras, hein, qui est arrivé. Et puis, il y a eu ce moment aussi où on a commencé à dire que la viande rouge était cancérigène, voire cancérogène. Donc, tout ça a joué incontestablement dans un commencement d'éloignement. Quoi. Et inversement, il y a quelques années en arrière, il y a un médecin un peu connu qui a fait aussi du marketing sur le fait de maigrir avec en mangeant de la viande. Ah ben, ce qui est sûr. Voilà. Ce qui est sûr. Les régimes hyperprotéines. Voilà. Et d'ailleurs, nous évoquons ici, alors ce sont des évocations ponctuelles, la viande est cancérigène ou alors la viande est bonne pour la santé, qui a des conséquences, mais qui ne suivent pas le même rythme que celle des représentations. Et les représentations vivent beaucoup plus longtemps. Exemple, en 1957, c'était le 29 mai 1957, quand Roland Barthes, dans l'émission Lecture pour tous de Pierre Desgroupes, quand Roland Barthes évoquait le beefsteak frites. Que pensez-vous du beefsteak pommes frites? Ah oui, j'en ai parlé aussi parce que ça vraiment tout le monde, je crois, peut être d'accord que c'est un grand mythe national français. Je me rappelle avoir vu il y a quelque temps, enfin il y a déjà assez longtemps, un film d'espionnage français où à un moment la bonne du curé, n'est-ce pas, qui est patriote, reçoit l'espion allemand déguisé en clandestin français, et elle lui dit, eh bien, je vais vous donner de mon beefsteak. Et un peu plus tard, quand elle s'aperçoit qu'il s'agit d'un espion, elle lui dit, et moi qui lui ai donné de mon beefsteak. Oui. Il s'agit vraiment que le beefsteak fonctionne ici comme une sorte de symbole patriotique de la France. Voilà, le beefsteak comme symbole patriotique de la France, selon Roland Barthes en 1957. Roland Barthes qui a placé son beefsteak frite dans ses mythologies. Bruno Loriot, il est essentiel, ce beefsteak, dans une représentation de la gastronomie et d'une gastronomie en plus populaire. Oui, complètement, bien sûr. Mais ça, c'est quand même quelque chose d'assez récent en France, en réalité. C'est-à-dire parce que le beefsteak, comme son nom l'indique, ou peut-être pas, ça ne l'indique pas, c'est d'origine anglaise. On trouve le terme dans les livres de cuisine anglais du Moyen-Âge, hein, incontestablement. Alors, c'est pas du tout le même genre de préparation qu'aujourd'hui. Hein. C'est plutôt de la viande plutôt, on va dire, bouillie que grillée. Oui. Ah, oui. Beef steak, donc tranche de bœuf, hein, tout simplement. Mais les Anglais ont une bonne réputation pour la viande de bœuf à l'époque. Bien meilleure, semble-t-il. Moins en cuisine, mais... oui. Mais au Moyen-Âge, ça se discute. Hein, donc, voilà. Et il y a eu un moment où les choses sont devenues... Il y a eu une sorte d'inversion, hein, voilà, où au fond les Français sont devenus en quelque sorte des symboles du beefsteak, et ça se passe plutôt 18e, 19e, à un moment où d'ailleurs il y a un livre de cuisine qui est écrit par un Français mais en anglais, et qui s'appelle « Le cuisinier moderne », et dans lequel, effectivement, on trouve un peu ce début d'inversion. Donc le beefsteak, c'est un peu, c'est vrai, c'est identitaire, ça semble identitaire de la cuisine française actuelle, la gastronomie française actuelle, voilà. Mais en fait, ça a été l'objet comme ça de retournements, de réappropriations qui sont très intéressantes, comme assez souvent ce qui se passe en matière d'histoire de l'alimentation. C'est sûr que les races bovines anglaises étaient extrêmement réputées. Nous les avons importées et nous avons nos belles vaches croisées avec les nôtres, les locales. Et dès lors, le beefsteak devient un étendard français. Mais Hugo Desnoyers, qu'est-ce qu'un beefsteak? C'est quoi un beefsteak? Un beefsteak, c'est des pièces, c'est des muscles que l'on épluche, qui sont assez tendres pour les couper en tranches, comme le nom l'explique. Et on les fait poêler, griller tout simplement. Voilà, donc il y a cette différence aussi de transformation de la viande une fois que l'on est dans la cuisine. C'est-à-dire qu'entre la viande bouillie et la viande grillée, il y a des méthodes différentes. Et donc cette évolution-là de la manière de cuisiner la viande transforme aussi le métier de boucher par rapport à ce qui est demandé. On demande plus de beefsteak à un moment que l'on en demandait avant. Avant, le boucher, je sais, alors peut-être que M. Loriot me répondrait mieux que moi, mais c'est vrai que le boucher avant, il tuait un animal entier, il l'exposait même entier dans sa boutique, et il le vendait entier. Le plat de côte, le collier, maintenant, malheureusement, depuis les années 50, 60, c'est les arrières, les pièces nobles, entre guillemets, qui sont privilégiées. C'est aussi pour ça que les gens, souvent, disent à des gens comme moi, « Ah bah oui, mais la viande est chère, bah oui, mais la viande, c'est un équilibre. Si on vendait mieux les parties, les basses parties, entre guillemets, la viande serait bien sûr moins chère. » Ça, c'est une question essentielle également, c'est-à-dire que la viande précieuse, et puis nous avons évoqué le sacrifice sans en faire trop, mais la mort d'un animal, c'est un sacrifice aussi. L'ensemble de l'animal était exploité pendant des siècles. En fait, c'est très récent qu'il y a des parties du bœuf que l'on ne veut plus utiliser. Et oui, bien sûr, bien sûr. Même les morceaux, les bas morceaux, enfin, dans les sociétés anciennes, ne sont pas forcément méprisés. Quoi. Ah non, pas du tout. Et limite, coûtaient plus cher, enfin, pas plus cher que les belles pièces, mais... Ça peut arriver, oui. Voilà, il y avait des belles demandes, quoi. C'est ça, il y a des belles demandes. Et surtout qu'on privilégie pas tellement la grillade, par exemple. Hein, et que les cuissons sont plutôt des cuissons lentes dans les sociétés anciennes. Mmh. Mais c'est aussi en fonction de ce que tu as dit tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est des bêtes de réforme. Enfin, c'est des bêtes qui ont déjà servi, travail. Et donc, qui arrivent en bout de course. Et donc, bon, bah, on a intérêt quand même à les faire plutôt cuire. Hein. Moi, je dirais que ça peut aller même plus loin dans la réflexion, dans le sens où tout simplement, manger une bête de la tête aux pieds, c'est aussi de la respecter. Respecter l'éleveur, respecter le travail, respecter l'animal en lui-même. Ce qui, malheureusement, maintenant, c'est plutôt c'est anonyme. C'est compliqué. Ouais, et puis c'est surtout du business, malheureusement. Mmh. Oui, énormément de commerce, même si le commerce autour de la viande est quelque chose de séculaire, évidemment, avec des pratiques différentes. Bruno Loriot, Hugo Desnoyers, je vous propose d'aller faire un petit tour aux Halles, mais les Halles de Paris, celles du ventre de Paris, celles d'Émile Zola en 1873, un texte qui nous est lu dans le cours de l'histoire sur France Culture par Tatiana Werner. La belle Lisa resta debout dans son comptoir, la tête un peu tournée du côté des Halles. Et Florent la contemplait, muet, étonné de la trouver si belle. Il l'avait mal vue jusque-là, il ne savait pas regarder les femmes. Elle lui apparaissait au-dessus des viandes du comptoir. Devant elle, s'étalaient dans des plats de porcelaine blanche les saucissons d'Arles et de Lyon entamés, les langues et les morceaux de petits salés cuits à l'eau, la tête de cochon noyée de gelée, un pot de rillettes ouvert et une boîte de sardines dont le métal crevé montrait un lac d'huile. Puis, à droite et à gauche, sur des planches, des pains de fromage d'Italie et de fromage de cochon, un jambon ordinaire d'un rose pâle, un jambon d'York à la chair saignante sous une large bande de graisse. Et il y avait encore des plats ronds et ovales, les plats de langue fourrée, de la galantine truffée, de la hure pistache. Tandis que tout près d'elle, sous sa main, était le veau piqué, le pâté de foie, le pâté de lièvre dans des terrines jaunes. Le fumet des viandes montait, elle était comme prise, dans sa paix lourde, par l'odeur des truffes. Ce jour-là, elle avait une fraîcheur superbe. La blancheur de son tablier et de ses manches continuait la blancheur des plats, jusqu'à son cou gras, à ses joues rosées, où revivaient les tons tendres des jambons et les pâleurs des graisses transparentes. Ah, petite balade au hall dans le ventre de Paris d'Émile Zola en 1873 qui nous est lue par Tatiana Werner. C'est un monde particulier, celui des halles. C'est un monde où, malgré tout, même si aujourd'hui il y a quelque chose d'exotique, c'est une mise en place d'un commerce industriel, les halles. Et puis, les halles de Paris qui sont au cœur de Paris, dans les années 1960, sont déplacées. Elles partent loin, c'est un peu ce que vous disiez, Hugo Desnoyers. Ben on les cache, c'est aussi à Rungis, c'est pas tombé du ciel. Les rats dans Paris et les halles, ça a attiré quand même des gros problèmes sanitaires également, donc on les déplace, on a fait quelque chose de propre. En plus, ils sont bien débrouillés, c'est un des meilleurs marchés européens et un des meilleurs au monde. Et puis, la viande devient une préoccupation industrielle. Alors, cela a des conséquences, évidemment, sur la qualité. Bruno Loriot, sur la qualité, sur la manière aussi de nommer la viande, de ce qu'est la viande. C'est ça, les deux conséquences majeures, moi, que je vois, c'est effectivement une perte d'expertise du consommateur. Parce que on classifie les morceaux. Enfin, moi, ce que je vois là aujourd'hui, c'est horrible. On se fout de la pomme du consommateur. Et voilà. Je mesure mes mots. Donc, la classification des morceaux, elle est vraiment pour des imbéciles. Enfin, je sais pas si... Bah, malheureusement, oui, dans les grandes surfaces, des lobbyistes et des gens assez puissants au niveau de la viande industrielle ont réussi à mettre en place des choses qui sont complètement aberrantes pour des gens comme moi. Les étoiles là, sur les barquettes dans les grandes surfaces, on prend vraiment les gens pour des cons. C'est-à-dire, expliquez-nous. Comme on l'évoquait tout à l'heure, comme si on cachait le savoir. Enfin, il n'y a rien à savoir de plus. Un filet, c'est un filet, un faux filet, une entrecôte, un gîte avant-arrière. Enfin voilà, on peut nommer les choses et petit à petit les gens pourraient s'y réintéresser. Mais non, pour cacher tout ça et surtout vendre du produit, parce qu'ils s'en foutent de l'éleveur, ils s'en foutent de la viande que c'est, ou enfin de la race et compagnie. On met des étoiles pour faire croire que on va dans les grandes surfaces, on voit une barquette de viande avec 3 étoiles dessus. On se croirait dans le Michelin, quoi. Enfin, c'est malin, mais c'est vraiment sous de la... Le commerce, le business avant tout. Bruno Loriot. Et la deuxième conséquence que moi je vois, c'est au fond, dans les procédures d'abattage, mais ça, tu as peut-être confirmé ou infirmé, je ne sais rien, qu'on a dans l'élevage industriel, on a privilégié des viandes qui étaient des viandes pas très maturées, justement. Ah bah, hein, pas du tout maturées. Et puis même pas des races à viande, surtout. La grande majorité au quotidien est abattue, c'est des pampines à lait. Oui, c'est ça. C'est de la vache laitière qui a fait sa grande carrière de vache laitière et qui est une vache de réforme et qui devient un bœuf sur l'étiquette. Et qui devient du bœuf sur l'étiquette, ouais. Mais c'est terrible. Ouais. Au Moyen-Âge, on disait que cette viande était chaude. On disait la viande chaude. La viande à peine abattue. Au Moyen-Âge, on aimait bien la viande très fraîche. Il y avait cette idée de traçabilité. Mais parce qu'on l'a... Il y avait beaucoup de modes de cuisson de façon bouillir. Peut-être aussi. Il y en avait pas mal. Oui, c'était de la cuisine, beaucoup de ragoût. Aujourd'hui, on prendrait la meilleure bête au monde chaude et on coupe un bistec, justement, c'est du béton armé. Ah oui, absolument. Ah oui, oui. Oui, c'est ça. La maturation, c'est le point capital. Hein. Si on pouvait donner un conseil, je ne sais pas. Allez-y, donnez un conseil. Je me permets de le donner, bien que n'étant pas bouché, mais vraiment, il faut faire maturer la viande. Hein, bien parce sûr. Que c'est la seule manière d'avoir de la viande, d'abord très tendre, très goûteuse. Voilà. Et voilà. Après, on n'a rien inventé. Hein. Il y en a qu'on en fait des choux gras au niveau marketing. Mais oui, mais il y a des siècles qu'on mature la viande. Aujourd'hui, on émousse beaucoup moins les animaux à l'abattoir qu'on les émoussait avant. Émousser, c'est le gras extérieur sur la carcasse de l'animal. Avant, on laissait 5, 6, 8 cm tout autour de la bête et ça la protégeait. Il n'y avait déjà pas de frigo. Après, la glace est venue, mais au départ, c'était ça qui protégeait l'animal et ça maturait naturellement. Dites-nous, vu qu'on vous a aujourd'hui sur France Culture, Hugo Desnoyers, nous évoquons la nécessité de faire maturer la viande. Mais c'est quoi exactement faire maturer? Maturer, on tue l'animal suivant son âge, suivant sa race, suivant son état d'engraissement. On va la maturer, c'est-à-dire, nous, professionnels, on a des frigos qui sont avec une hygrométrie parfaite, avec une ventilation de froid parfaite, qui fait que la bête, pendant, moi, en moyenne, elles sont maturées 4 semaines, mais ce qui est tout à fait logique. Moi, je suis pas quelqu'un qui va pousser à l'extrême, parce que j'aime pas les... Si ça devient un goût giboyeux, tout ça, ça me plaît pas. Et donc, à mon avis, ça plaira pas à mes clients. Mais voilà, en fait, c'est des petits microbes anaérobies qui sont à l'intérieur des fibres musculaires, qui mangent petit à petit, qui grignotent les petites parties nerveuses qui sont autour de chaque grain de viande, qui fait que oui, ça s'attendrit et le goût s'affirme. Et ça, c'est normal. Et ça, c'est aussi une évolution de la manière de préparer la viande et peut-être aussi, Bruno Loriot, l'évolution du goût, simplement. C'est très dur pour l'historien d'essayer de trouver quel était le goût, mais c'est un peu au cœur de la question. Ah oui, oui, tout à fait. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a des oscillations. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on revient à tel ou tel type de goût. Donc le goût pour la viande maturée, c'est tout de même 18e, 19e à un moment. Faisandé, limite. C'est époque, non, moi, je dirais pas que c'est faisandé. Enfin, c'est un point de vue personnel, un point de vue gustatif. Hein, je dirais, pour moi, c'est même pas une viande à goût fort. Hein, parce que souvent, les gens, ce qui les retient, c'est de dire, oh là là, ça va être fort. Mais oui. Non, pas du tout. Enfin, moi, je trouve que c'est un goût d'un peu de noisette. Enfin, je sais pas ce que. Ben, ça dépend. Oui, faut équilibrer. Moi, je goûte tous les jours. Voilà, bien sûr. Et donc, ça, c'est vraiment tout à fait autre chose. Et c'est quand même très. Enfin, je veux dire, tous les gens auxquels j'en ai fait goûter. Moi, je suis pas forcément un grand cuisinier, mais bon, voilà. Tous les gens auxquels j'en ai fait goûter, ils veulent pas revenir à autre chose. Ah, c'est ça. Ouais. Oui, c'est que vous êtes, vous, Bruno Loriot, historien de la viande, mais en même temps consommateur esthète de la viande. On peut pas faire l'un sans l'autre. Ah ben, c'est difficile, oui. Merci à vous deux. Hugo Desnoyers, donc, artisan boucher, je l'ai dit, un boucher tendre et saignant, ça c'est votre livre avec François Simon. Mais il y en a d'autres, et puis il y a simplement vos boutiques, hein, vos restaurants. Et puis merci beaucoup aussi Bruno Loriot, parce que avec cette histoire de la viande, pour une histoire de la viande, hein, c'est le livre que vous co-dirigez avec Marie-Pierre Aurard, nous sentons bien qu'ici nous sommes avec une histoire, je ne veux pas dire totale parce que c'est un mot tiroir, mais nous touchons aux représentations, à l'économie et aussi au plaisir, au goût. Donc merci beaucoup à vous deux d'avoir été avec nous ce matin dans le cours de l'histoire sur France Culture. Mais il est l'heure maintenant de retrouver Anaïs Quien avec son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs Quien. Bonjour Xavier Mauduit, bonjour à toutes et tous. Dans le journal de l'histoire ce matin, les mots et l'environnement, une longue histoire. Sobriété énergétique. L'expression est devenue courante, pourtant il lui a fallu un très long chemin pour s'imposer dans les discours sur l'environnement jusqu'à se trouver inscrite dans l'intitulé d'une loi sur la transition énergétique en 2015. Ce temps long, confronté à l'urgence d'interroger nos modes de consommation, c'est le sujet d'une tribune de François Jarige dans la revue numérique AOC. L'historien souligne l'ambiguïté des interprétations possibles de cette sobriété coincée entre la réduction nécessaire de la consommation et l'impérative recherche de production pour perpétuer une économie boulimique de croissance. Avec la crainte que la sobriété énergétique ne vienne rejoindre sur l'étagère de l'obsolescence les oxymores tombés en désuétude comme développement durable après une heure de gloire éphémère, signe des hésitations coutumières sur la question, comme en témoigne ce montage légèrement perfide des errances de l'ancien ministre du redressement productif Arnaud Montebourg sur le gaz de schiste entre 2013 et 2016 avant d'en condamner l'exploitation. Le gaz de schiste, monsieur Montebourg, pour ou contre, vous demande Corinne B. Ah, on a plusieurs questions là-dessus. Alors contre. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, premièrement, c'est une telle qu'elle est expérimentée ou exploitée aux États-Unis, c'est une technologie polluante. Ce que j'ai toujours dit. Là, c'est une position tout à fait personnelle qui n'engage pas le gouvernement. C'est que nous puissions avoir une compagnie publique et nationale exploitant les gaz de schiste. Pour moi, le problème, ce n'est pas fracturation hydraulique ou pas. Le problème, c'est pollution ou pas de pollution. Historien des innovations technologiques et de leur impact social, François Jarige ne manque pas de faire un détour par le passé sur les traces du doute à travers l'histoire de l'énergie. La recherche d'un Graal énergétique, inépuisable et gratuit, ou la quête d'un remède technologique au destin du monde élaboré au XIXe siècle à l'ère des révolutions industrielles successives. Si l'éventualité de l'épuisement du charbon est alors envisagée, on ne s'en inquiète pas, confiant dans un renouvellement périodique et perpétuel de l'innovation technologique, puisque le progrès se conçoit alors comme le chemin inconditionnel vers le bonheur universel. La mine, paysages durs et sombres où la poussière noire recouvre tout. La mine, décor de roman, prétexte à belles images, source inépuisable d'effets faciles. Mais la mine caisse encore. Surtout et avant tout des hommes. Ces hommes descendent sous terre quand le soleil se lève et ne remontent à la surface qu'avec l'ombre. L'usage du mot sobriété a longtemps fait un écho exclusif aux abus d'alcool, avant de devenir un signe d'arriération dans le rythme nouvellement impulsé au monde par l'invention de technologies productrices d'une puissance toujours plus importante. Mettre un pull quand il fait froid ou augmenter la température produite par son radiateur, une question d'actualité dans une tribune qui interroge la notion même d'énergie renouvelable en tant que prolongement sans doute chimérique d'une consommation sans limite. Un combat en cours entre une écologie à la recherche d'énergie alternative et une autre qui remet en question nos modes de vie. Merci Anaïs Quien. Nous retrouvons le journal de l'Histoire et tous ses à côté sur sa page et sur notre site franceculture.fr. C'était le cours de l'histoire, une émission préparée par Marion Dupont, Anne Toscane-Viudès, Camille André, Aurore Juvenel et une programmation assurée par Amélie Perrault. Des émissions à réécouter en ligne sur le site internet du cours de l'histoire franceculture.fr ou bien en podcast, c'est la balado-diffusion. Et puis il y a le groupe Facebook, le cours de l'histoire. Demain, retour à la guerre de 1870, où il y a 150 ans, la guerre de 1870. Mais qui a voulu cette guerre et quelle place des femmes dans ce conflit? Et puis samedi-là, 29 février, Forum France Culture 2020, la société face au conflit, de 10h à 17h30 dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne à Paris. 4 tables rondes et un dialogue de clôture, une coproduction France Culture, Université Paris-Sorbonne. Nous y serons avec le cours de l'histoire. Pensez à vous inscrire. Rendez-vous sur le site maisondelaradio.fr.